Section 62 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 62. Pensée d'un gamin de Paris. Absinthe. La pourvoyeuse de la mort. Acajou, l'ambition de la petite ouvrière. Agité des questions, le prétexte des hommes d'État pour ne rien faire. Album, traquenard tendu à l'esprit de ceux qui n'en ont pas à revendre. Ami, il est rare d'en rencontrer un. Ami, tout le monde en a. Binocle, la guillotine du nez. Brièveté, une qualité que ne possèdent jamais les gens ennuyeux. Calomnie, la guitare à Basile. Concierge, locataire de la loge et propriétaire du cordon. Corbillard, la brouette de la mort. Dimanche, un jour de repos qui fatigue souvent plus qu'une semaine de travail. Dot, la parure du mariage. Échange, opération qui consiste à offrir un œuf contre un bœuf. Échéance, le waterloo du commerçant. Écrevisse, train omnibus. Folie, les plaisirs qu'on ne peut plus goûter. Gants, les Allemands ont raison, c'est le soulier de la main. Homme du jour, ainsi nommé, parce que souvent, le lendemain, il est déjà oublié. Fin de la section 62, lue par Margot.